Chapitre 11e, le jour de la désolation. Oui, le jour terrible était arrivé. Mary Marchmont errait de ça, de là, dans les grands appartements, dans les longs corridors, pâle comme un spectre dans son angoisse muette, pendant que les employés des pompes funèbres étaient affairés dans la chambre de son père et que la veuve de John, assise dans le cabinet au-dessous, écrivait des lettres d'affaires et faisait tous les arrangements nécessaires pour les funérailles. À cette époque, personne n'essaya de consoler l'orpheline. Il y avait quelque chose de plus terrible que la plus bruyante douleur dans le calme effrayant de la jeune fille. Ses yeux hagards, qui semblaient agrandis et contractés par quelque hideuse torture physique, étaient sans larmes. Excepté le long gémissement de désespoir qui s'était échappé de ses lèvres au moment suprême de l'agonie de son père, aucun cri de douleur, aucune plainte n'avait soulagé la souffrance de Mary Marchmont. Elle souffrait et elle se taisait. Elle fuyait toute société humaine et semblait éviter surtout la compagnie de sa belle-mère. Elle fermait la porte de sa chambre à tous ceux qui auraient voulu venir à elle et se jetait sur son lit où elle demeurait des heures entières dans un état de torpeur complète. Mais quand le crépuscule rendait obscurs les corridors déserts, la malheureuse enfant pénétrait dans la galerie sur laquelle s'ouvrait la chambre de son père et gagnait la porte de cette chambre où la mort faisait sentinelle. Elle redoutait d'y entrer de peur d'y rencontrer ceux qui veillaient le mort et d'être torturée par leurs phrases de sympathie banales, de peur d'endurer le supplice d'une vulgaire causerie sur celui qui n'était plus. Une seule fois, pendant le court espace de temps où le cercueil demeura dans la chambre mortuaire, la jeune fille sortit de chez elle au cœur de la nuit, alors que tout le monde dormait, excepté les veilleurs loués, gagna le large palier de l'escalier en chêne et se blottit dans l'embrasure d'une fenêtre au-dessus du grand porche en pierre qui abritait à l'occident l'entrée principale de Marchmont Towers. La fenêtre avait été laissée ouverte, car même dans cette froide saison d'automne, l'atmosphère de la grande maison semblait chaude et lourde à ses habitants, dont l'abattement provenait de la terreur que leur inspirait la présence de la mort dans Marchmont Towers. Mary s'était approchée de cette fenêtre sans trop savoir où elle allait, après être restée longtemps agenouillée sur le seuil de la porte de la chambre mortuaire, contre laquelle elle avait appuyé sa tête sans songer à prier. À quoi bon la prière maintenant, à moins que ce ne fût pour demander que le mort revînt à la vie? Elle était venue sur le grand escalier, elle avait passé devant les portraits de la galerie, qu'elle avait regardés en grimaçant du haut de la boiserie où ils étaient accrochés, elle avait erré dans l'obscurité, car bien que le ciel ne fût pas sans étoiles, c'était à peine si une faible lueur pénétrait dans la demeure, et maintenant elle était là, debout, la tête appuyée contre un des angles de la maçonnerie en pierre et regardant par la fenêtre ouverte. Le jour qui commençait déjà à poindre à l'orient derrière Marchmont Towers devait éclairer les funérailles du pauvre John. Pendant 6 jours, Mary avait évité toute relation avec ses semblables. Pendant 6 jours, elle avait fui toute sympathie humaine, toute consolation. Pendant tout ce temps, elle n'avait pris d'autre nourriture que celle que sa belle-mère lui avait fait apporter. Olivia était venue la voir de temps en temps et s'était tenue à côté du lit jusqu'à ce qu'elle eût fini de manger. Dieu sait combien de fois la jeune fille s'était endormie pendant ces 6 mortels jours, mais son sommeil troublé ne lui avait fait aucun bien. Elle avait constamment rêvé que son père était encore vivant, qu'il passait son bras maigri autour de son cou et qu'elle sentait sur sa joue son haleine oppressée. La grande horloge des écuries sonna 11 heures, pendant que Mary Marchmont regardait par la fenêtre Tudor. La vaste prairie devant la maison s'étendait au loin et se perdait dans l'horizon nébuleux. Les pâles étoiles pâlissaient de plus en plus à mesure que Mary les contemplait. Les mares d'eau noirâtre commençaient à devenir distinctes à la lueur croissante du jour. La souffrance avait troublé les sens de la jeune fille, sa tête était faible, elle avait le vertige. La mort de son père avait fait dans son existence une brèche si soudaine et si terrible qu'elle pouvait à peine croire que le monde ne fût pas annihilé avec toutes les joies et les douleurs de ses habitants. « Existera-t-il encore quelque chose après-demain ? » se disait-elle. « Les jours et les nuits continueront-ils à se succéder lentement maintenant que la mort de mon père les a dépouillés de tout leur charme ? » ?»« Non, certainement. » Après que les grandes portes en fer au bout de ce vaste terrain marécageux qu'on appelait le parc se serait refermé sur le cortège des funérailles de son père, le monde finirait, et il n'y aurait plus ni temps ni espace. Je pense que c'était là son idée, dans le demi-délire où elle était tombée depuis une heure. Elle croyait que tout disparaîtrait et que son désespoir s'engloutirait en même temps qu'elle, dans le néant où devait disparaître l'univers après l'enterrement de son père. Ensuite, l'horrible réalité de son malheur se fit jour dans son esprit avec une force soudaine. Elle joignit les mains au-dessus de sa tête et un faible cri s'échappa de ses lèvres blanches. Tout n'était pas fini ici-bas. Le temps et l'espace ne seraient pas annihilés. Le monde continuerait à exister et rien dans le cours monotone de l'existence de chaque jour ne serait changé. La grande maison en pierre ne s'écroulerait pas et les rouages intérieurs de la lugubre machine fonctionneraient toujours. Les heures seraient les mêmes, ainsi que les usages, la vieille routine subsisterait quand même. John Marchmont serait emporté hors de la maison dont il avait été le maître. On le coucherait dans le sombre cabot, sous l'église de Camberling, et le monde où il avait occupé si peu de place ne s'apercevrait pas de sa disparition. Le fauteuil où il s'asseyait d'habitude serait roulé loin du coin qu'il affectionnait, auprès de la cheminée du grand salon occidental. Les papiers de son cabinet seraient mis en ordre et relégués quelque part, ou bien ils tomberaient dans des mains étrangères. Les Cromwell et les Napoléon meurent, la terre tremble un moment sur sa base, et recommence ensuite hardiment sa rotation régulière, au grand étonnement des poètes et à la vive satisfaction des froids philosophes. Le commun des mortels ne se prive pas de déjeuner parce que la dépêche est là, sur la table, à côté d'eux, et que l'encre d'imprimerie qui a servi à reproduire le message de M. Reuter n'a pas eu le temps de sécher depuis que la feuille est sortie de la machine de Printing House Square. Une angoisse et un désespoir bien plus terribles qu'aucune des tortures qu'elle avait déjà éprouvées s'emparèrent de Mary Marchmont. Pour la première fois, elle envisagea son avenir à elle. Jusqu'alors, elle n'avait songé qu'à la mort de son père. Elle s'était désespérée parce qu'il n'était plus, mais elle n'avait jamais contemplé l'horreur de sa vie future, de cet avenir où elle vivrait sans lui. Une angoisse indicible, touchant de bien près à la folie, tortura la jeune fille chez laquelle l'affection avait toujours été, par suite de sa nature sensitive, d'une intensité maladive. Elle frissonna d'épouvante à la perspective désolée de cet affreux avenir, et en regardant le grand escalier de pierre au-dessous d'elle, la pensée du suicide lui vint pour la première fois à l'esprit. Elle poussa un cri perçant dont le son n'avait rien d'humain, et grimpa tout à coup sur la vaste allège en pierre de la fenêtre Tudor. Elle voulait se précipiter en bas et se broyer la tête sur les marches de l'escalier, mais la force lui manqua, tout son corps était affaibli par la prostration, et elle retomba en arrière. Sa tête heurta lourdement le parquet verni de l'embrasure et elle perdit connaissance. Elle resta là jusqu'à 7 heures environ, et ce fut une des servantes qui la releva et l'emporta dans sa chambre où elle se laissa déshabiller et mettre au lit. Mary Marchmont ne parla pas jusqu'au moment où la bonne servante de Lincolnshire l'eut mise au lit et fut sur le point de se retirer pour aller dire à Olivia dans quel état elle avait trouvé l'orpheline. « Ne dites rien de ce qui s'est passé à ma belle-mère, Susan, lui dit-elle, je crois que j'étais folle la nuit dernière. » Ces paroles effrayèrent la servante et elle courut aussitôt à l'appartement de la veuve. Mrs. Marchmont, qui se levait toujours de bonne heure, était déjà habillée et elle monta aussitôt chez sa belle-fille. Elle trouva Mary très calme et très raisonnable. Il n'y avait maintenant en elle aucune trace d'égarement ou de délire, et quand le premier médecin de Swampington arriva, quelques heures plus tard, pour examiner la jeune héritière, il déclara qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. La jeune fille était nerveuse, très nerveuse, dit-il, et il fallait l'obliger à rester calme pendant quelques jours et lui donner une garde malade dont la présence ne lui serait pas désagréable. S'il y avait quelques jeunes filles de son âge, pour qui elle n'eût jamais montré quelque prédilection, il fallait la faire venir. Ce serait là la meilleure compagnie pour elle en ce moment. Au bout de quelque temps, il serait convenable de la faire changer d'air et de lieu. Elle ne devait pas continuellement se préoccuper de la mort de son père. Le médecin répéta cette dernière injonction plus d'une fois. Il était très important qu'elle ne s'abandonnât pas trop souvent à sa douleur. Mary était donc couchée dans sa chambre à demi-obscure, pendant que le cortège des funérailles sortait par la porte occidentale. Les appartements de Mary donnant sur le quadrangle, elle n'entendit aucun des bruits étouffés qu'occasionna le départ de la procession solennelle. Dans sa faiblesse, elle était devenue obéissante à la volonté des autres. Elle croyait que son épuisement et sa lassitude étaient le prélude de sa mort. ses prières seraient donc exaucées. Son angoisse et son désespoir ne seraient donc pas de longue durée. Dans quelques jours, elle serait emportée, elle aussi, vers le caveau de l'église de Camberling et reposera à côté de son père, dans le calme éternel du tombeau de famille. Mrs. Marchmont se conforma strictement aux injonctions du médecin. Une jeune fille de 17 ans, habitant avec son père une petite ferme du domaine près des Towers, avait été la favorite de Mary, qui s'était sentie peu disposée à se faire des amis parmi les étrangers. Cette jeune fille, Hester Pollard, fut demandée par Olivia, et elle vint avec plaisir veiller sa jeune protectrice. Elle apporta son ouvrage de couture et s'assit auprès de la fenêtre pour travailler, tandis que Mary était cachée par les rideaux blancs de son lit. Tout le service actif que nécessitait le bien-être de la malade fut fait par Olivia ou sa domestique particulière, vieille servante, qui avait vécu avec le recteur depuis la naissance de sa fille et ne l'avait quittée que pour suivre cette fille à Marchmont Towers après son mariage. Hester Pollard n'eut donc d'autre chose à faire que de rester tranquille et d'attendre patiemment que Mary fût disposée à lui parler. La fille du fermier était une douce et peu gênante créature, tout à fait en état de bien s'acquitter de la tâche qui lui était confiée.